Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Emmanuel Macron fait donc étape demain à Vichy avec l'intention d'évoquer dans l'ancienne capitale provisoire de Pékin un passé qui ne passe pas. Bah, l'occasion ne s'est pas présentée si souvent pour un président. Si, en 59, le général de Gaulle avait marqué un arrêt dans la ville et prononcé quelques paroles sibyllines. « Je vais vous faire une confidence », avait-il dit. « Il y a un peu d'émotion pour moi de me trouver ici, pour les raisons que vous savez. » Et aussitôt, il avait ajouté « Allez, enchaînons sur le présent. » Parce que Vichy, depuis le développement de son thermalisme, s'est toujours voulu une ville du présent. Le vieux Vichy pèse de rien dans le dessin de l'urbanisme. Une tour, qui en subsistait, s'est écroulée, survit à peine sur une rive de l'Allier. Un logis moyenâgeux, sur la façade duquel des meurtrières énigmatiques dessinent une curieuse croix de Lorraine. C'est tardivement que Napoléon III a donné le branle à la station et ensuite on a planté des arbres, encore toujours des arbres. Vichy, c'est ici l'ombre. Autour de 1900, une ville a surgi à un rythme américain avec son casino et son théâtre, une des plus belles salles de spectacle de France où en juillet 40, les parlementaires, à l'exception de 80, abdiquèrent la République en conférant les pleins pouvoirs à Pétain. Et puis les services de l'État français se sont installés au hasard des villas et des hôtels. Dans le hall de l'un d'eux, un sénateur désœuvré reconstituait en 40-44 avec des allumettes la cathédrale de son département perdu. Et en novembre, une association d'histoire, le CIERV, évoquait devant un vaste public vichysois la libération de la ville. Et son animateur, Michel Proméra, expliquait qu'il ne s'était en fait pas passé grand-chose. Le maréchal avait été emmené depuis un moment par les Allemands qui étaient partis à leur tour. Une administration avait été aussitôt établie par des militaires et des hommes qui avaient œuvré auparavant pour l'État français qui s'était progressivement devenu assez avéré vichisto-résistant. La ville, inquiète pour sa réputation, n'aurait pas été hostile à une épuration sévère, à condition qu'elle montre que les crimes avaient été commis par des personnes qui n'étaient pas originaires de Vichy. Vichysois, habitant de Vichy, ça n'équivaut pas à vichiste. Et dans ces années 50, le fait que Vichy ait été capitale de fait, sous le régime du même nom, importe paradoxalement moins qu'aujourd'hui. Oui, le tourisme reprend dans ces années 50. Un brillant festival de musique anime la saison qui attire beaucoup d'Européens du Maroc, de Tunisie, d'Algérie. Toujours le goût de la fraîcheur, ici, l'ombre. Vichy était, à sa manière, une capitale de l'Afrique du Nord. Et il faut chercher là une origine, j'allais dire, une source de la divergence qui va se creuser entre la mémoire locale et la mémoire nationale. Beaucoup de pieds noirs qui venaient l'été s'installèrent à demeure, après l'indépendance algérienne, jusqu'à constituer peut-être 10% de la population. Et une conjonction se produisit entre les antigaullistes des années 40 et les antigaullistes d'Algérie. Ce sont souvent les mêmes qui entretiennent l'appartement de Pétain à l'hôtel du Parc et la tombe du général Salan enterré à Vichy. Et la mémoire de l'État français, loin de s'effacer, est réactivée à partir de la fin des années 70. On peut penser au film Le Chagrin et la Pitié ou au livre de l'Américain Paxton. Alors la municipalité de Vichy réagit en s'obstinant dans le silence, notamment à l'époque de Claude Maluret. Mais son successeur, Frédéric Aguilera, qui recevra demain Emmanuel Macron, choisit une autre stratégie que lui impose d'ailleurs l'inscription réussie de Vichy au patrimoine mondial de l'UNESCO avec d'autres stations thermales. Il accompagne par exemple le CIERV dans son exploration du passé de la ville. Lors du dernier colloque de cette association, Audrey Mallet, jeune historienne de la mémoire de Vichy, a montré ce qu'il advint des Juifs qui avaient cru pouvoir s'installer à Vichy. Eh bien, 175 d'entre eux furent déportés, dont 140 Français. Je dis ça en référence aux propos de qui vous savez. Seuls 15 sont revenus. Pétain à Vichy, décidément, n'a pas fait que du bien. Le livre d'Audrey Mallet, Vichy après Vichy, paru chez Belin. Les coordonnées du CIERV sont sur notre site. France Inter.